so just play the things people want hear and nothing more. Once in a day, day in a life. Parler français. Once in a sur son brise la montre. Je sais, je ne suis pas facile.